C'est la deuxième entrevue qu'on va faire en anglais. On l'avait faite avec Jerry Royce. Là, maintenant, on va le faire avec mon traducteur attitré, Michel Dugan, que vous avez entendu quelques fois. Salut, Michel. Salut, Danny. Et on va faire une deuxième entrevue avec un gars qui est sur le beat des Buccaneers de Tampa Bay pour Sports Illustrated. Je parle de Zach Goodall. Hi, Zach! Hey, how are you doing? I'm fine. Michel, d'abord, si tu as des questions, on va faire comme on a fait avec Jerry Royce. On va y aller en alternance. Si tu as des questions à poser à Zach, j'aimerais que tu la poses en français avant, par la suite en anglais. Donc, la première question que je vais poser à Zach, est-ce qu'il s'attendait en début de saison que les Buccaneers de Tampa Bay allaient atteindre le Super Bowl? Zach, did you expect at the start of the season that the Buccaneers would make it to the Super Bowl? No, definitely not. So I viewed the signing of Tom Brady as monumental, and it was certainly the push to get there. But with, you know, how crazy this past season's been with COVID-19, with the idea that the offseason just was never going to be like a usual one where, you know, especially in a situation where a guy like Tom Brady leaves somewhere after 20 years and has to get used to a brand new team for the first time, a new environment, new coach, new system, new weapons, new everything. And it definitely took some time, but they were able to get in sync after struggling a little bit with consistency out the gate. And once they did that, they proved to be nearly unstoppable. It was certainly not something that I could have predicted, but you knew the talent was there in which they'd be capable to do it. OK. Donc, ce que Zach nous dit, Danny, c'est que absolument pas au début, il ne s'attendait pas à ce que les Buccaneers se rendent jusqu'au Super Bowl. Mm-hmm. Par contre, il dit que l'acquisition de Tom Brady a été évidemment monumentale pour l'équipe. Il dit aussi que c'est évidemment une saison qui était un peu folle avec la COVID et tout ouais. Ça. On s'attendait pas non plus à voir Tom Brady, qui était quand même un environnement avec lequel il était familier depuis près de 20 ans. Donc, il arrivait dans une nouvelle équipe, nouveau coach, nouveau système de jeu. Donc, ça a pris un certain temps, évidemment, avant que toutes les pièces du puzzle tombe ensemble, mais il dit qu'évidemment, ils ont eu des problèmes de constance au début de la saison, mais il nous dit que toutes les pièces du puzzle sont tombées en place après un certain temps, et après ça, ils sont devenus tout simplement irrésistibles. Donc, okay. c'est pas mal ce que Zach nous a dit. OK. Vas-y, Michel, si tu as des questions, je vais te demander en français, par la suite en anglais. OK. Je vais faire du pouce sur ta question, Danny, ouais. En lui demandant, après la défaite lors du match d'ouverture contre les Saints, est-ce que quel était le sentiment général là, par rapport à l'équipe? OK, Zach, so I'm going to ask you a question. And it's going to be, I'm going to free-ride on Danny's question. After the first game in New Orleans against the Saints, what was the general assessment of the season that was to come? If you remember, Tom Brady threw, I think, 4 interceptions, and it was a great game for the team overall. Well, let's see, because I actually, funny enough, I started covering the team about halfway through the season, so I wasn't even really there for that game or the beginning of it, but I've gone back and watched them, and I knew that one was a bit closer than the Week 9 showing for the Buccaneers against the Saints, particularly. Yes, Brady struggled in Week 1, but it was the Week 9 game where he came out and threw, I think, 3 or 4 interceptions, and they were only able to score 3 points. At that point, there were definitely some doubts about how far this team could go. And actually, within that started off a 4-game stretch in which the Buccaneers went 1-3. Brady was really struggling. He was throwing a lot of interceptions. He wasn't completing deep balls. And in return, the Buccaneers entered the bye week at 7-5. So at that point, yeah, there was a lot of pessimism as to if everything was coming together. There were questions as to if Brady and head coach Bruce Arians were meshing. They just really needed a bye week to get things sorted out. And that bye week came in week week 13. They had some time off. They were able to get together and figure things out. And over the next four games of the regular season to end the season, they averaged 37 points a game. So it was fair to say that they ended up getting it figured out. Donc, ce que Zach nous dit, Danny, c'est que, bon, il n'était pas là pour... il a commencé à couvrir les Buccaneers seulement à peu près à la moitié de la saison. Okay. Par contre, lui, il dit que ce premier match-là était moins pire que le même match contre les Saints là, qui avait eu lieu à Tampa. On se rappelle, là, les Buccaneers avaient subi une dégelée de 38-3 contre les Saints, donc en semaine 9. Mais ça a été, semble-t-il, selon lui, un élément déclencheur. Parce qu'évidemment, ce match-là, cette dégelée-là qu'ils avaient subi de 38-3, ça soulevait plusieurs questions. Tom Brady, qui lançait beaucoup d'interceptions, n'atteignait pas ses receveurs, avait du mal avec les bombes, avec les passes en profondeur. Donc, on se demandait si Tom Brady et Bruce Arians, le coach des Buccaneers, allaient pouvoir se mettre sur la même longueur d'onde. Heureusement pour les Bucs, ce match-là était tout juste avant une semaine de congé, ouais. Donc le fameux bye week. Et ça, bien évidemment, ça permet à tout le monde d'ajuster ses flûtes et de permettre, là, et ça a permis une série là, de victoires par la suite quand ils sont venus au jeu, notamment une importante contre les Packers de Green Bay. J'avais tellement trouvé, Michel, que ça avait été exagéré un peu les critiques envers Brady, parce que le gars, il avait pas eu de match pré-saison, pas eu d'entraînement également, tu sais, pas un nouveau système de jeu. J'avais trouvé que les gens avaient été très, très critiques. M'en dis voir si est-ce qu'il parle durant la saison, est-ce qu'il a senti comme une menace de scission entre la gang à Tom Brady, qui s'appelle Gronk, qui s'appelle également Antonio Brown, parce que Antonio Brown vient pas mal de la gang de Brady, et également les anciens des Bucs. Est-ce qu'Antonio Brown était vraiment une personne qui était quand même voulue dans le vestiaire? Danny wants to know, Zach, whether there were divisions within the locker room, because you had Brady's gang, which was like Gronk, Antonio Brown, and all in all, and the other players that were there in the first place. So Dan is asking whether there were like dissensions within the locker room. At the beginning of the season, and if so, what they did to try to get together? Well, if there were, they certainly were never made public. From what I could tell, it never seemed to be an issue. It just took time, really, for them to get in sync with each other on the field. And the players were vocal about it for several weeks in pre-game, post-game press conferences. That it was just taking time with I feel like they probably didn't want to use it as an excuse, but again, it goes back to the COVID-19 issues. Eliminating an offseason made it very difficult for such a massive transition for not only the Bucs offense, but I mean, quite literally, when you sign Tom Brady, that's a transition for your franchise. And it just took them time to get things figured out, but I never saw any tension from players, splits in the locker room or anything like that. It seemed... And granted, I mean, same thing here. I mean, media is has less access than ever before, given the pandemic. But from what we could tell, it never seemed to end up being an issue. Okay. Ce que Zach nous dit, Danny, c'est que ça n'a pas vraiment été un problème comme tel. Il met ça plutôt sur le dos du fait, comme tu le disais tantôt, que pas de camp d'entraînement, pas le temps de se synchroniser, pas le temps de se connaître, donc, entre un nouveau coéquipier. Évidemment, il dit que quand tu signes un nom comme Tom Brady, qu'on le veuille ou non, c'est une grosse transition pour une équipe, pour une franchise. Il dit aussi que, évidemment, ça allait prendre du temps avant que la chimie s'installe, comme on dit en gage de sport. Et donc, il dit aussi que les médias avaient beaucoup moins accès au vestiaire de l'équipe, évidemment, là, en raison de la COVID-19. Donc, ouais. Il dit aussi que les joueurs avouent clairement que ça n'allait pas à leur goût au début de la saison et qu'ils allaient prendre un peu de temps pour justement mettre tout le monde sur la même page. OK. Vas-y, Michel. Des questions en français. Some people, Zach, some people say that one of the turning points of the season was the loss to the Chicago Bears because of the confusion regarding whether it was third down or fourth down at the end of the game. Do you agree with that assessment? That was a part of one. That was actually a part of when I was not covering the team, so I wouldn't be able to give an accurate answer on it. Okay. Donc, je lui ai posé la question, Daniel, à savoir, plusieurs observateurs disent que la défaite contre les Bears de Chicago est un point tournant dans la saison à cause de la confusion autour du quatrième essai à la fin du match. Et lui, il dit qu'il n'est pas capable de répondre à ça parce qu'à l'époque, il ne couvrait pas l'équipe. Donc, voilà. Dis-lui le Super Bowl à Tampa Bay. Est-ce que c'est une pression supplémentaire sur Tom Brady ou le fait que les Chiefs sont tellement favoris qu'il n'y a aucune pression? C'est quoi le... C'est la première fois de l'histoire avec les Buccaneers que le Super Bowl aura lieu à Tampa Bay. Là. Et il y a domicile aussi. Là. Ben, c'est surtout ça. Ouais. OK. Zach, Danny is asking us... first of all, it's the first time in 55 years that the Super Bowl, the one team is going to be the home team at the Super Bowl, is going to play in its own stadium. And furthermore, the odds are against the Buccaneers because the Chiefs are largely favorites to win it all. Do you think Tom Brady has more pressure because he's playing at home, or he has less pressure because they're huge underdogs? I could see it being more pressure because they're underdogs. I mean, Tom Brady, how many times in his career has he been an underdog, if you think about it? It doesn't happen very often. And especially when you then consider that they're playing at home and they're still underdogs, I feel like that could put a huge chip on their shoulder. And you're right, this is unique. This is the first time that we've really ever seen an NFL team legitimately host a Super Bowl. And you'd figure that with 22,000 fans the NFL is allowing in, that's going to give them an advantage unlike we've seen this entire season with, you know, capacity limits across the league with COVID. This is going to be something that could end up being a tremendous advantage for Tampa Bay. And with the pressure of playing as a home underdog, you got to figure that would benefit them a bit. OK, donc... Zach nous dit que oui et non pour ce qui est de la pression. Mais en fait, la pression va être double, ce qu'il nous dit, parce que, un, c'est la première fois qu'une équipe va accueillir le Super Bowl, en quelque sorte. Ouais. Et deuxièmement, parce qu'ils sont de grands négligés. Donc, ça met un petit peu plus de pression encore sur les Buccaneers. Autre détail, c'est que combien de fois Tom Brady, quand il s'est présenté au Super Bowl, était négligé. Ouais. Peut-être la première fois en 2002 contre les Rams, parce que les Rams, c'était à l'époque le greatest show on turf, mais pour le reste, Tom Brady n'a jamais été vraiment dans le siège du négligé. Donc, il y a ça. Il dit par contre que le fait d'être à domicile pour le Super Bowl, ça pourrait être un avantage, parce qu'il va y avoir 22 000 personnes dans les gradins, et la plupart d'entre elles vont évidemment... poussé pour leur équipe. Donc, c'est mi-chat, mi-poisson, mais c'est beaucoup plus de pression, semble-t-il, pour Tom Brady, selon lui. OK. Vas-y avec une question. Vas-y. OK. Zach, when you we're talking about Tom Brady, you're saying that he's got added pressure because he's an underdog. But still, it's his 11th presence or 10th presence at a Super Bowl. So I guess the guy's seen it all. Yeah, he certainly has. And I think that's another testament to what's going on this year is, you know, he was able to come and bring that to Tampa Bay. It certainly was a challenge, even for a guy like him, especially at 43. I mean, I think he's got plenty of talent, which is kind of remarkable. But over his final 2 years in New England, we saw that he just was not playing at a level that he had throughout his career previously. He seemed to have taken a step back. people really wondered what Tom Brady is Tampa Bay going to be getting. So the fact that he was able to come in, he was able to get in sync with everyone and form chemistry and proceed to, you know, he broke the Buccaneers single season passing touchdown record. It's now set at 40 and it was previously 33. That's also the second most in Brady's career in a single season. Obviously the most was 50 back in, what, 2007, when he had the undefeated regular season with the Patriots. So, yeah. Again, it's just all a testament to the big move. The one move that put the Buccaneers over the top, and that was going all in on Tom Brady this past offseason. Donc, j'ai demandé à Zach, Danny, si Tom Brady, évidemment, j'ai parlé du fait que c'était sa 11e et sa 10e ouais. présence à un Super Bowl, et que ça, évidemment, ça, il a déjà pas mal tout vu. Ce qu'il nous dit, c'est oui, mais en même temps, il dit que c'était un gros changement d'arriver à Tampa Bay. Il a changé la mentalité de l'équipe, et puis en même temps, ben, il dit que c'est quand. Il a rappelé là, que Tom Brady, cette année, à 43 ans, a battu le record pour le plus grand nombre de passes de toucher dans une saison des Buccaneers, qui était à 33 auparavant. Oh, okay. Et lui, il a monté à 40. Okay. Donc, il nous a parlé de ça, il nous a dit... Oui, vas-y, ouais. Oui, ben, je vais juste terminer en disant ouais. que c'est un... Selon lui, c'est une preuve éloquente là, de ce que Tom Brady est capable d'apporter à une équipe, puis le fait que cette année, il a pu les amener au Super Bowl avec à 43 ans. Dernière question pour ma part, Michel. Anthony Auclair, il faut y en parler un peu, c'est un Québécois qui joue, fait 3 ans qu'il est avec les Buccaneers. Est-ce qu'il il était de ce côté dernièrement? Est-ce qu'il voit quand même un avenir dans le cas avec Anthony Auclair, avec les Buccaneers? OK. Zach, Danny is asking us, of course, we're from Quebec, so we're interested in one of our players that's on the Buccaneers lineup. His name is Anthony Auclair. I don't know if you know him. Could you repeat the name? Yeah, Anthony Auclair. He's, I think he's a slot receiver for the Buccaneers. That's right, and he also plays Danny wants to know, is there a future for him within the Tampa Bay organization? He's been left outside of the lineup for the last few weeks. Do you think he's got a future with the Bucs? Well, I'm not sure. I'll tell you, he signed with the team as an undrafted free agent back in 2017. He was the only undrafted rookie to make the 53-man roster that year. And they kept with him. He ended up suffering a season-ending injury during the 2019 season. And the Buccaneers turned around and actually re-signed him in the offseason despite that. Now, he's had another injury this season that ruled out about half of his year. But once he was healthy, he did see some limited snaps throughout the end of the regular season as Tampa Bay dealt with injuries. I would assume they like him as a depth piece. I mean, they kept him around long enough as an undrafted free agent. And they've even re-signed him at one point. So it'll come down to what they think about his injuries. But at least as, you know, some cheap depth, a guy that you're comfortable with, I'd figure there's a chance for him to stick around. OK. Ce que nous dit Zach Danny, c'est que c'est quand même, il y a des choses à considérer. Là. C'était quand ils l'ont signé, il était joueur autonome. Donc, à son année recrue en 2017, il a été le seul agent libre à faire l'équipe cette année-là. Il a été, depuis 2017, il a eu beaucoup de problèmes avec les blessures. Mais l'organisation a quand même continué de croire en lui et ils l'ont gardé dans l'entourage, ils l'ont même ré-signé en 2019. Ouais. Donc, ce que Zach pense par rapport à Anthony Auclair, c'est que il a réussi à rester avec l'équipe jusque-là. Encore une fois, cette année, ça a été une année difficile en raison des blessures. Il est revenu vers la fin de la saison. Lui pense que l'organisation va quand même continuer à croire à Anthony Auclair, mais il faudra voir quel rôle on va lui assigner au cours des prochaines années. Il sera toujours sur la ligne de la NFL, ce gars-là. T'as-tu une dernière question, Michel, dans ton cas? Ben, je pense qu'on a fait le tour. OK, ben voilà, donc on va peut-être remercier Zach pour sa collaboration. OK. Zach, thank you for your time, and I hope you have a blast covering the Super Bowl over there. Absolutely. Thank you guys for having me. Gros merci. Thanks, Zach. Thank you. Gros merci à Zach Goodall de Sports Illustrated. Merci, Michel. Sans toi, je pense que ces entrevues-là ne seraient pas possibles. Un gros, gros merci pour au plaisir de se parler à tous les deux. Ben écoute, ça me fait plaisir, Danny. N'importe quand, okay. Je suis prêt à t'aider, okay. Moi-même. Donc, Zach Goodall et Michel Dugas qui nous parlaient du Super Bowl et des Buccaneers de Tampa Bay.